الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, شرح عمدة الأحكام du Cheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله تعالى. La semaine dernière on avait terminé l'explication du 180e hadith et on avait entamé l'explication des hadiths 181, 182 et 183 qui se proposent pour nous réciter le hadith de Aïcha radiallahu anha, le hadith 181. Qui ? Tfadalakh. وكان كثير الصيام قال أحسنت بارك الله فيك. الحديث أنس 182 كيلو ريسيت حفظ تفضل. T'as appris ? Qui a appris ? Hassan, pardon. رواه البخاري ومسلم. أحسنت بارك الله فيك. Le hadith d'Abu Darda رضي الله عنه 183. Mota, pardon. أحسنت بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع والثمانون بعد المئة le 184e حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Donc selon Jabir ibn Abdillah رضي الله عنه, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et il a vu une foule de gens et un homme que l'on mettait sous l'ombre. Il a dit, c'est-à-dire sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ceci ? Ils ont répondu, c'est un jeûneur. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans la version de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Prenez la dérogation qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordée. المعنى الإجمالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظلل عليه فسألهم عن أمره فقالوا إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد فقال الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم إن الصيام في السفر ليس من البر ولكن عليكم برخصة الله التي رخص لكم فهو لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم. Le sens général du hadith. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans l'un de ses voyages a vu des gens qui étaient réunis et un homme que l'on mettait à l'ombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné au sujet de cet homme. Ils ont dit, il jeûne et la soif l'a amené à cet état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, doux et généreux alayhi sallatu wa sallam, a dit, le jeûne pendant le voyage ne fait pas partie de la piété. Mais prenez la dérogation qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordée, car il ne veut pas de vous, dans vos adorations, que vous vous fassiez du mal. Ma yu'khadhu min al-hadith. أولا جواز الصيام في السفر وجواز الأخذ بالرخصة في الفطر ثانيا إن الصيام في السفر ليس برا وإنما يجزئ ويسقط الواجب ثالثا إن الأفضل إتيان رخص الله تعالى التي خفف بها على عباده. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, l'autorisation de jeûner pendant le voyage et l'autorisation de prendre la dérogation qui est de ne pas jeûner. Deuxièmement, que le jeûne pendant le voyage ne fait pas partie de la piété, mais il suffit et permet aux musulmans d'accomplir son devoir. C'est-à-dire que celui qui jeûne pendant le voyage, est-ce que son jeûne est accepté? S'il jeûne à Ramadan, est-ce qu'il a accompli son obligation? Oui. Donc ici, Cheikh Al-Bassem dit que même si le jeûne pendant le voyage ne fait pas partie de la piété, mais celui qui le fait a accompli son devoir. Troisièmement, que le mieux est de prendre les dérogations d'Allah qu'il a mis en place pour alléger les adorations de ses serviteurs. ثم قال رحمه الله اختلاف العلماء, la divergence des savants. اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عمر وهو مذهب الظاهرية وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصيام والفطر. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur le jeûne du mois du Ramadan pendant le voyage. Certains salafs ont été durs à ce sujet, comme Az-Zuhri et Al-Nakhai, qui font partie des tabi'in. Et ils sont de l'avis que le jeûne pendant le voyage n'est pas considéré comme... que celui qui jeûne pendant le voyage n'a pas accompli son devoir, que ce jeûne qu'il a jeûné ne l'exempte pas de son obligation. Autrement dit, qu'il a jeûné, mais qu'il devra rattraper. Donc ça, c'est l'avis de certains salafs, comme Az-Zuhri al-Nakhai, et cela a été rapporté par Abdurrahman ibn Auf, Abu Huraira et Abdullah ibn Umar, et c'est le madhab de Al-Zahiriyah. Al-Zahiriyah qui prennent souvent les jugements de ce qui apparaît des hadiths. Et la majorité des savants, parmi eux les quatre imams, sont de l'avis qu'il est autorisé de jeûner et de rompre son jeûne pendant le voyage, que les deux sont autorisés. واحتج الأولون بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجهه أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهده، وفرض على المريض والمسافر في أيام أخر. وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاه أولئك العصاه، فنسخ قوله أولئك العصاه لصيامه. وما رواه البخاري عن جابر ليس من البر الصيام في السفر. Quelle est la preuve des premiers, donc ceux qui considèrent que qu'on ne jeûne pas pendant le mois du Ramadan en voyage et que celui qui jeûne, cela n'est pas compté pour lui et qu'il devra, il n'aura pas accompli son devoir par cela. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Baqarah, le verset 185, où Allah Azza wa Jal dit « Celui d'entre vous qui constate le mois alors qu'il le jeûne, qui constate le mois en ayant vu là le croissant de lune, et celui qui est malade ou en voyage alors qu'il reporte à des jours ultérieurs. » فَصِيَامٌ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et l'argumentation dans ce verset est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ordonné le jeûne qu'à celui qui a constaté le mois. Et bien sûr, dans la sunna, le minimum est de combien de personnes pour que tout le monde jeûne? Les deux sont justes. Au début du ramadan, il faut au moins un témoin. Et pour la fin du ramadan, il faut au moins deux témoins. Pourquoi un au début et deux à la fin? Naam, le hadith, mais la hikmah. Naam. Car pour que jeûner, la personne n'est pas tentée. N'est pas tentée de, entre guillemets, mentir ou de faire un faux témoignage. Car il va rentrer dans le mois du jeûne. Mais celui qui a passé un mois de jeûne et qui aurait pu trouver cela difficile pourrait être tenté de dire j'ai vu la lune alors qu'il ne l'a pas vue pour que le mois du ramadan se termine. C'est pour cela que l'islam est venu imposer deux témoins qui doivent avoir vu le croissant de lune, le premier croissant de lune, pour la fin du ramadan. Donc le croissant de quel mois? De Shawwal, du mois de Shawwal. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal a ordonné de jeûner à celui qui constate le mois, et il a ordonné aux malades et aux voyageurs de reporter à des jours ultérieurs. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et ils ont pour preuve également le hadith de Jabir radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti l'année de l'Fath, de la victoire de la Mecque, pendant le ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné jusqu'à être arrivé à l'endroit appelé Kira al-Ghamim. Les gens ont jeûné pendant ce voyage. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui apporte un récipient d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ce récipient pour que les gens le voient. Puis il a bu sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a été dit après cela, après qu'il ait pris ce récipient et qu'il ait bu, il y a certaines personnes qui jeûnent encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Oulaïka al-usah, oulaïka al-usah. Voilà, ceux-là ont désobéi, ceux-là ont désobéi. Et Ils ont dit que la parole Oulaïk al-Usah, ils ont désobéi à abroger le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le voyage. Qu'est-ce que ça veut dire abroger le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le voyage? Nasikhun li siyamih. Est-ce qu'il y a d'autres hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné pendant le voyage? Oui, on les a vus. Et ils disent que ce hadith vient abroger tous les autres hadiths qui stipulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné pendant son voyage. Et leur preuve également est le hadith rapporté par Al-Bukhari selon Jabir, que l'on a vu, qui est le hadith que l'on étudie actuellement. Laysa min al-birri as-siyam fi as-safar, ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. Et la majorité des savants, منها أحاديث الباب الأول حديث حمزة الأسلمي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر الثاني حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والثالث حديث أبي الدرداء فيه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فيه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وأجابوا عن أدلة الأولين بما يأتي أما الآية فالذي أنزلت عليه صام بعد نزولها وهو أعلم الخلق بمعناها فيتحتم أن معناها غير ما ذكرتم وأكثر العلماء ذكروا أن فيها مقدرا تقديره فأفطر أما قول أولئك العصاة فهي واقعة عين لأناس شق عليهم الصيام فأفطر هو عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به فلم يفعلوا فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به عليه الصلاة والسلام وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر معناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه قد يكون الفطر أفضل منه إذا كان هناك مشقة أو كان الفطر يساعد على الجهاد والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. Donc, quelle est la preuve de la majorité des savants qui considèrent qu'il est autorisé de jeûner ou de ne pas jeûner pendant le voyage? Ils ont plusieurs preuves qui sont fortes. Parmi ces preuves, le hadith de Jabir radiallahu anhu. Parmi ces hadiths, les hadiths que l'on a cités dans ce chapitre. Le premier, le hadith de Hamza al-Aslami. Lorsque le professeur Hassan lui a dit, si tu veux, tu jeûnes, et si tu veux, tu ne jeûnes pas. Le second hadith est le hadith de Anas. Lorsque il a dit radiyallahu anhu que nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les jeûneurs ne faisaient pas de reproches à ceux qui ne jeûnaient pas et ceux qui ne jeûnaient pas ne faisaient pas de reproches à ceux qui jeûnaient. Le troisième hadith qu'ils utilisent pour preuve est le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu également que l'on a étudié dans lequel il y est fait allusion que le prophète, dans lequel il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ainsi que Abdullah ibn Rawaha. Et ils ont répondu aux preuves des savants qui ont interdit en disant quant au verset, c'est-à-dire de Sourate al-Baqarah, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quant à ce verset, celui sur qui ce verset est descendu a jeûné après la descente de ce verset. Qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a jeûné après que ce verset ait été révélé. Et c'est la créature qui connaît le mieux le sens de ce verset. Ainsi, il est sûr et certain que le sens de ce verset n'est pas ce que vous avez cité. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Naam? Naam. Ils ont dit le verset, Allah Azza wa Jalla a dit « Faman shahida minkum ash-shahra falyasum » Celui qui voit le mois, qu'il jeûne. Et celui qui est malade ou en voyage, alors qu'il reporte à des jours ultérieurs. Ils ont dit, ça c'est un ordre d'Allah aux malades et aux voyageurs de ne pas jeûner, mais de reporter leur jeûne à des jours ultérieurs. Et ils ont répondu, Al-Jumhur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur qui ce verset est descendu, a jeûné pendant le voyage, après la révélation de ce verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est, parmi les créatures d'Allah, celui qui connaissait le mieux le sens de ce verset. Donc, le sens que les savants lui ont donné, les premiers lui ont donné, n'est pas ce qui était voulu de ce verset. Puis, il dit, rahimahullah, et la majorité des savants, et la plupart des savants, ont dit qu'il y a un sous-entendu dans ce verset. Quel est ce sous-entendu? Et qui a rompu son jeûne. Celui qui constate, c'est-à-dire le moi, qu'il jeûne, celui qui est malade ou en voyage et qui a rompu son jeûne, c'est ça le sous-entendu. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ الْمُقَدَّرْ ici فَأَفْطَرْ. Celui qui est en malade ou en voyage, et le sous-entendu c'est, et que, à cause de sa maladie ou de son voyage, il a rompu son jeûne alors qu'il le reporte à des jours ultérieurs. Et quant à la parole « Oulaïka al-Usah », ceux-là ont désobéi. C'est un fait particulier qui a eu lieu ou qui a concerné des personnes pour qui le jeûne était extrêmement difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu son jeûne afin qu'il le prenne comme exemple. Afin que ces gens le prennent comme exemple. Ils n'ont pas fait. Le professeur Hassan a alors dit, « Oulaïka al-Usah » Ceux-là ont désobéi, car ils ne l'ont pas suivi, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants ont expliqué en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, car il a constaté que, ici, il sortait pour combattre l'ennemi. Et l'armée des musulmans était affaiblie par le jeûne. Or, une armée affaiblie qui se rend au combat, cela n'est pas quelque chose de souhaitable. Ainsi, le prophète sallam, lorsqu'il a vu que ses compagnons étaient faibles et qu'ils allaient combattre l'ennemi, il a rompu son jeûne pour que ses compagnons rompent leur jeûne et afin qu'ils prennent des forces. Et min bab al-fa'ida, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah considère même que le renforcement d'une armée est une excuse valable pour ne pas jeûner, que tu sois en voyage ou résident. Que tu sois en voyage ou résident. Pour cela que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avait donné l'autorisation à ceux qui combattaient les Mongols de rompre leur jeûne pour prendre des forces lorsqu'ils combattaient l'ennemi. Est-ce que c'est clair? Quant au hadith, laysa min al-birri as-siyam fi as-safar. Quant au hadith, ne fait pas partie de la piété le jeûne dans le voyage. Son sens est que le jeûne pendant le voyage n'est pas une piété vers laquelle l'on se concurrence. Ce n'est pas une piété vers laquelle l'on se concurrence. Car le fait de rompre le jeûne pendant le voyage peut être meilleur que de jeûner lorsqu'il y a dans le jeûne pendant le voyage une difficulté. Ou lorsque le fait de rompre le jeûne permet d'avoir des forces pour combattre l'ennemi. Et il dit, rahimahullah, et Allah aime que l'on applique et que l'on prenne, Allah aime que l'on prenne ces dérogations comme il déteste que l'on fasse ce qu'il interdit. Allah Azzawajal aime que l'on utilise ces dérogations comme il déteste que l'on fasse ces interdits. والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل الصيام أو أم الفطر فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن المسيب أو المسيب والأوزاعي وإسحاق استدل الأئمة الثلاثة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له حمولة يأوي إلى الشبع فليصم رمضان حيث أدركه والحمولة بالضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها أما أدلة الحنابلة فمنها حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. Donc on a dit que la majorité des savants considèrent qu'il est autorisé de jeûner pendant le mois du Ramadan comme il est autorisé pendant le voyage, comme il est autorisé de ne pas jeûner. Ensuite, ils ont divergé, c'est-à-dire Al-Jumhur, ont divergé sur le jeûne pendant le voyage ou ne pas jeûner. Qu'est-ce qui est le mieux? Donc ils sont d'accord que cela, les deux sont autorisés. Mais ils ont divergé lequel des deux est le meilleur. Les trois imams, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, rahimahumullah, considèrent que le mieux est de jeûner pour celui qui n'éprouve pas de difficulté pendant son voyage. Et l'imam Ahmed considère que le mieux est de ne pas jeûner pendant le mois du Ramadan. Même si le musulman n'éprouve pas de difficultés pendant son voyage. Et c'est l'avis également de Saïd ibn al-Musayyib al-Awza'i et Ishaq. Les trois imams, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i rahimahumullah, qui considèrent que le mieux est de jeûner s'il n'y a pas de difficultés dans le voyage. Leur preuve est sont plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith apporté par l'imam Abu Daoud, selon Salama ibn al-Muhabbiq, radiyallahu an, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a des provisions qui le rassasissent alors qu'il jeûne le ramadan là où il se trouve. » alors qu'il jeûne le ramadan là où il se trouve. « Wal-humula » dans le hadith, c'est la nourriture ou c'est ce avec quoi l'on voyage, comme marchandise ou nourriture. Et ce hadith, « Mbab al-fa'ida », le hadith de Salam ibn al-Muhabbiq, radiyallahu anhu, est un hadith faible, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a considéré faible dans son livre Da'if Abi Daoud. Et la preuve de l'Hanabila qui disent que le mieux est de ne pas jeûner, même si le voyage ne comporte pas de difficultés. Et ils ont pour preuve la parole du prophète sallam ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. Et ils utilisent aussi le hadith du prophète sallam, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Allah aime que l'on use de ses dérogations. Ibn Bab al-Fa'ida, c'est également l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Fa'ida. أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة فقد اختلف العلماء في تحديده والصحيح أنه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها لأنه لم يرد فيه شيء عن الشارع فالمشرع أطلق السفر فنطلقه كما أطلقه فما عد سفرا أبيح فيه الرخص السفرية وتقدم بأبسط من هذا في صلاة أهل الأعذار. Il dit, rahimahullah, une remarque quant à la distance qui autorise de rompre le jeûne, c'est la distance du voyage, quant à la distance minimum qui est considérée comme un voyage, qui autorise donc de rompre le jeûne et de raccourcir les prières, les savants ont divergé sur sa quantification, c'est-à-dire sur le détail de cette distance. Et ce qui est authentique est que tous les détails qu'ont donné les savants ne sont pas pris en compte car rien n'est rapporté dans la législation. Le prophète sallam a utilisé le terme voyage. Ainsi, nous utilisons le voyage comme le prophète sallam l'a utilisé. Ainsi, ce qui est considéré comme un voyage, il y est autorisé de il est alors autorisé d'user des dérogations du voyage, et cela a été expliqué précédemment de façon détaillée dans le chapitre de la prière de ceux qui ont des excuses, que l'on a déjà traité dans ce livre Taysiru al-Allam. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس والثمانون بعد المئة. Le 185e hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر رواه البخاري ومسلم. Le 185e hadith, selon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il dit: nous étions en voyage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait parmi nous ceux qui jeûnaient et ceux qui ne jeûnaient pas. Nous nous sommes arrêtés dans un jour extrêmement chaud, et celui d'entre nous qui avait le plus d'ombre est celui qui avait des vêtements, et celui qui possédait des vêtements. Et parmi nous, des personnes se protégeaient du soleil avec leurs mains. قال فسقط الصوام. Puis il dit, Anas radiallahu an, les jeûneurs sont tombés. Et ceux qui n'ont pas jeûné sont restés debout. Ils ont posé les tentes et abreuvé les bêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui sont partis avec une récompense. avec la récompense. رواه البخاري ومسلم. Le sens général du hadith, المعنى الإجمالي. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبعضهم مفطر وبعضهم صائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقر كل منهم على حاله فنزلوا في يوم حار ليستريحوا من عناء السفر وحر الهاجرة وكانوا رضي الله عنهم متقشفين لا يجد أكثرهم ما يظله عن الشمس إلا أن يضع يده على رأسه أو أن يضع كساءه فوق عود أو شجرة فيستظل به فلما نزلوا في هذه الهاجرة سقط الصائمون من الحر والظمأ فلم يستطيعوا العمل وقام المفطرون فضربوا الأبنية بنصب الخيام والأخبية وسقوا الإبل وخدموا إخوانهم الصائمين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وما قاموا به من خدمة الجيش شجعهم وبين فضلهم وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. Donc le sens général de ce hadith. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un de ses voyages. Certains jeûnaient, d'autres ne jeûnaient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté chacun d'eux, a accepté ceux qui jeûnaient et a accepté ceux qui ne jeûnaient pas. Ils se sont arrêtés dans un jour extrêmement chaud afin de se reposer de la fatigue du voyage et également éviter la chaleur de l'Hajira. L'Hajira, on l'a vu hier dans la conférence. C'est la prière de Dhuhr. Wa kanu radiyallahu anhum et les compagnons radiyallahu anhum, la plupart étaient modestes et ne trouvaient pas avec quoi se protéger du soleil. Sauf si l'un d'entre eux se protégeait avec sa main ou s'il avait des vêtements, il les accrochait à un morceau de bois ou à un arbre et il se mettait à l'ombre. Lorsqu'ils se sont arrêtés pendant ce moment de la journée, au milieu de la journée, c'est-à-dire le moment où il fait le plus chaud, les jeûneurs sont tombés à cause de la chaleur et de la soif. Et ils n'ont pas pu travailler. C'est-à-dire qu'ils se sont allongés, ne pouvaient plus travailler et faire ce qu'ils avaient à faire pendant cette pause. وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ Et ceux qui n'ont pas jeûné se sont levés et ont préparé les tentes et ont abreuvé les chameaux. Et ils ont été au service de leurs frères jeûneurs. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce qu'ils ont fait, et lorsqu'il a vu le fait qu'ils étaient au service de l'armée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a encouragés et a montré leur mérite et a dit « ذهب المفطرون اليوم بالأجر » Ceux qui n'ont pas jeûné sont partis aujourd'hui avec la récompense. ما يؤخذ من الحديث أولا جواز الإفطار والصيام في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ما هو عليه. On retient premièrement de ce hadith l'autorisation de jeûner et de ne pas jeûner pendant le voyage, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté les deux cas de figure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté les deux cas. Car parmi ses compagnons, il y avait ceux qui jeûnaient et ceux qui ne jeûnaient pas. ثانيا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رقة الحال في الدنيا، ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله تعالى. Deuxièmement, on retient de ce hadith la pauvreté et la modestie des compagnons radiyallahu ta'ala anhum et leur situation modeste dans cette vie d'ici-bas. Et malgré cette pauvreté, cela ne les empêchait pas de faire des choses dures, notamment combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, car en l'occurrence, dans ce voyage, ils sortaient en expédition militaire. Thalithan, فضل خدمة الإخوان والأهل وأنها من الدين ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة خلافا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين. Troisièmement, on retient de ce hadith le mérite d'être au service de ses frères et de sa famille, et que cela fait partie de la religion et que cela fait partie de Ar-Rujula. Comment traduire Ar-Rujula? Comment on dit Ar-Rujula? Le contraire de féminité, c'est quoi? On dit féminité pour une femme. Et qu'est-ce qu'on dit pour un homme? Virilité. On peut dire naam, virilité. Et que cela fait partie de la virilité à laquelle nous ont précédé l'élite de cette communauté. Et ceci contrairement à ce que font beaucoup de personnes qui se sentent supérieures et ce que font également beaucoup d'orgueilleux qui considèrent que d'être au service de son frère ou de sa famille, eh bien que cela est la tâche de la couche basse de la société et non pas l'élite de la société. Et cela est contraire aux enseignements de l'islam, car ici, les compagnons, radiallahu anhum, les meilleurs des musulmans, étaient au service de leurs frères. Et cela me rappelle Cheikh Mukhbir, rahimahullah, quand on l'avait visité, rahimahullah, c'est lui-même qui nous avait servi à manger. Il nous avait invités chez lui, après salat al-dhuhr. Et c'est lui, rahimahullah, qui est venu, il a apporté le plat de riz et l'a posé, etc. C'est lui qui a servi lui-même ses compagnons, radiyallahu anhum, ses invités, rahimahullah ta'ala. Rabi'an, quatrièmement, إن الفطرة في السفر أفضل لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوي على الأعداء ونحوه فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها. أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غيره ومن هنا كان الإفطار أولى. Quatrièmement, on retient de ce hadith que de ne pas jeûner pendant le voyage est meilleur, surtout lorsqu'il y a dans le fait de ne pas jeûner un renforcement du corps afin de combattre l'ennemi. Car le bénéfice du jeûne est restreint à celui qui jeûne. Le bénéfice du jeûne est restreint à celui qui jeûne, au jeûneur. Quant au bénéfice de ne pas jeûner dans un jour comme celui-ci, eh bien, ce bénéfice dépasse celui qui ne jeûne pas et fait profiter les autres. C'est pour cela que de ne pas jeûner est meilleur. Car ici, dans ce hadith, les compagnons radiallahu anhum qui n'ont pas jeûné, cela était meilleur pour eux, car ils étaient plus forts. Et deuxièmement, le fait qu'ils n'aient pas jeûné a profité également à leurs frères jeûneurs, car ils étaient à leur service et leur ont et ont travaillé pour eux. خامسا حث الإسلام على العمل وترك الكسل فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر وفضله على المنقطع للعبادة وأين هذه من الناعقين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل والتقدم والرقي قبحهم الله فإنهم يهرفون بما لا يعرفون. Cinquièmement, on retient de ce hadith que l'islam nous encourage à travailler et à délaisser la paresse et la fainéantise. Car il a été accordé aux travailleurs une grande part de la récompense. Et l'islam a précédé, a fait prévaloir celui qui travaille à celui qui se consacre uniquement à l'adoration. Car celui qui travaille, il sert aux autres et il subvient aux besoins de sa famille. Et celui qui travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, et celui qui travaille pour subvenir à ses besoins, celui qui travaille pour boire et pour manger. Et lorsqu'il travaille, il a l'intention, son intention est de travailler pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Il subvient à ses besoins, donc permet de se renforcer pour adorer Allah. Et il subvient aux besoins de sa famille, car Allah Azza wa Jal lui ordonne de subvenir aux besoins de sa famille. Donc, son travail est une adoration et l'argent qu'il va gagner de son travail va lui permettre d'adorer Allah Azza wa Jal. Et il dit, rahimahullah, où sont maintenant ceux qui parlent et qui considèrent cette religion comme étant un obstacle au travail, comme étant un obstacle à l'évolution et au fait de warruqi, au fait de d'atteindre les hautes sphères. Car certains disent que la religion est archaïque. Et que celui qui suit sa religion, eh bien, vivra comme dans les anciens temps. Et que cela le privera de l'évolution que connaît le monde d'aujourd'hui. Et qu'il y a une contradiction entre l'évolution, que ce soit l'évolution technologique ou autre, et la religion. Or, ceci est faux. Ceci est faux car la religion nous encourage à travailler. Et au contraire, ceux qui s'accrochaient à l'islam étaient connus pour être à la tête et étaient l'élite des scientifiques. Quand vous voyez beaucoup de scientifiques, que ce soit dans la médecine ou dans les mathématiques ou dans la physique, etc., vous verrez que les Arabes étaient, lorsqu'ils étaient accrochés à leur religion, étaient au summum de ces sciences. Pour cela que Cheikh Al-Bassam dit « Qabbahahumullah » qu'Allah les en les dise, ceux qui disent une telle parole, car ils pataugent dans ce qu'ils ne connaissent pas. Car ils pataugent dans ce qu'ils ne connaissent pas. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.